comme si le soleil brillait partout. Biographie écrite et lue par Christina Schwab. Ils ont une année de vie commune, mais ils en sont l'un comme l'autre à leur troisième mariage. Pour survivre dans des conditions précaires, ils choisissent de s'installer à la montagne, loin des tentations de la ville. Ils y apprendront à reconnaître les plantes, à cuisiner au bois, et ils y élèveront leurs deux enfants. Pendant ces 5 années hors du temps, ils ont fondé leur couple, appris à se connaître encore mieux et compris que vivre à deux permet de multiplier les ouvertures que chaque jour apporte. Ce ne furent pas des années si faciles que cela, loin s'en faut, mais elles furent néanmoins incroyablement enrichissantes, joyeuses et formatrices à tout point de vue. Que ta volonté soit faite. Tout le monde le sait, la vie n'est pas seulement un jardin de roses. Prendre son destin en main, décider dans la demi-heure de tout changer, ça pourrait être assez jouissif si la trouille n'empêchait pas de réfléchir. Après des mois de conciliation, de concessions, d'illusions perdues, d'échecs douloureux, j'ai jeté l'éponge, pris ma fille sous le bras, quitté son père et fui. Loin de ce mariage raté. Après 540 jours d'observation, d'apprivoisement, d'interrogation, d'amicales approches, mes yeux s'ouvrent enfin et je réalise que cet homme, Jean-Paul, mon meilleur ami, est fait à mes mesures. Âme sœur posée là, tout exprès pour moi, sur la planète Terre. Dès lors, nous partons ensemble pour de nouvelles aventures, avec le désir profond de vivre au plus près de nos valeurs, tout en naviguant comme nous le pourrons entre les obstacles et les épreuves. Depuis la fin des Trente Glorieuses, dont soit dit en passant j'ai bien profité des dernières miettes, plus personne ne veut de moi sur le marché du travail. Ce qui autrefois fonctionnait sans diplôme, mais avec expérience, ne fait plus recette. Mon curriculum vitae, aussi fourni et épatant soit-il, n'intéresse plus. Me voilà devenu has-been, sans espoir de retour. Tant pis pour moi, j'avais qu'à pas lâcher la proie pour l'ombre, ni préférer l'amour à la sécurité. Jean-Paul, de son côté, s'est donné à fond pour la société, au service des handicapés, au point d'y perdre la santé. Et le voilà au rebut, condamné à l'inaction pour cause de vertèbres rebelles, de lombaires fuyantes. No future. Pour lui, du moins physiquement. Mais comme nous l'allons voir, il a d'autres ressources. Au vu des circonstances et pendant 2 ans, nous aurons eu droit soit à des allocations chômage, soit à des indemnités d'assurance maladie. Ensuite, nous ne toucherons plus qu'une rente d'invalide pour toute la famille, plus une pension alimentaire pour ma petite Charlotte. Nous sommes à un carrefour. Les giratoires ne sont pas encore à la mode et les vraies questions se posent. Allons-nous passer les 30 prochaines années de notre vie à nous battre sur la planète consommation? Debout à l'aube, bébé à la crèche, petit boulot, métro, dodo, histoire de continuer la course à la réussite sociale, payer le 4x4, la résidence secondaire, les vacances à la Martinique, les dettes? Ou préférerons-nous un ascétisme que d'aucuns prétendraient rédhibitoire? Mais qu'est-ce que ça veut dire en 1995? Être ascète quand on n'est pas perdu dans le désert ou pensionnaire sur le mont Athos. Franchement, comparé aux standards mondiaux, notre ascétisme sera très relatif. Nous passerons seulement de 2 voitures, 2 salaires avec les impôts correspondants à un minimum dit vital. Il n'est pas question d'abuser du système ni de mourir de faim, mais de cibler nos efforts sur des points bien précis. Vivre en semi-autarcie, exercer une parentalité à plein temps et éliminer ces possessions superflues qui vous réduisent en esclavage. Autrement dit, nous aurons 2 fois plus de boulot pour transformer notre survie en art de vivre, mais nous mènerons une existence remplie d'amour, de joie et de créativité. Un programme tout simple, comme on pourra en juger. Simple ne veut pas dire facile. Le plus problématique étant de passer en douceur d'un statut à l'autre. Notre évolution sera progressive, empirique et aléatoire. Rapide dans certains domaines, lente dans d'autres. Finir de payer le leasing d'une voiture pendant 3 ans après l'avoir bazardée s'avère vite frustrant. Et j'ai horreur des frustrations. Pour d'autres choses, nous pourrons prendre le temps de nous décharger de nos contraintes et nous habituer à l'idée de cette vie différente. Ainsi, un beau jour de novembre, nous nous retrouverons confiants en notre potentiel à 1400 mètres d'altitude. Sans Sherpa. Enfin si, quand même un, je me comprends. Habitués à voir le verre à moitié plein plutôt que son contraire, nous nous prendrons au jeu de la quête de solutions pratiques et astucieuses qui la plupart du temps ne requièrent qu'un minimum de bon sens et un maximum de flexibilité. Sans doute, le plus difficile sera-t-il l'autodiscipline. Organiser nos journées entre les soins indispensables à la santé de Jean-Paul, l'éducation des enfants, les aléas de deux divorces, avec tout ce que cela signifie comme astreinte. S'y rajouteront les différentes tâches du quotidien, cueillette, séchage, conditionnement, cuisine, couture, tricot, et pour finir, nos projets culturels individuels, études, peinture, écriture. Il nous faudra du temps pour considérer et accepter que peindre un tableau ou écrire un livre ne sont pas des travaux inutiles. En résumé, nous vivrons avec des moyens que nous rendrons suffisants, des moments que la fortune, la facilité n'auraient jamais pu nous offrir. De plus, pendant toute la durée de cette sorte d'initiation, je découvrirai, moi, Christina, le secret du contentement, infiniment plus important à mes yeux que le fil à couper le beurre, la pénicilline, voire la pâte à modeler. Au terme de ce parcours fondateur passionnant, nous sommes ravis, Jean-Paul et moi-même, d'avoir la possibilité de transmettre notre enthousiasme, de partager notre histoire et nos découvertes. Alors merci de faire ces quelques pas avec nous. Vous êtes les bienvenus.